Amis humains, bonjour. Comment le wahhabisme saoudien est la source du terrorisme islamiste? Le docteur Youssef Butt est un conseiller senior auprès du Conseil américano-britannique de l'information sur la sécurité et directeur à l'Institut de l'intelligence culturelle. Les opinions exprimées ici sont les siennes. Ufpost.com. Le 20 janvier 2015, Londres, les attentats terroristes horribles contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris ont conduit à des spéculations quant à savoir si les tueurs, les frères Chérif et Saïd Kouachi étaient des loups solitaires ou s'ils étaient liés à des cerveaux sains d'ISIS ou de son rival, Al-Qaïda. Bien qu'Al-Qaïda au Yémen ait revendiqué l'attaque, il n'est pas clair de savoir à quel degré l'affilié a effectivement dirigé l'opération. Peu importe que les connexions de l'organisation, le cas échéant, soient finalement avérées vraies, une chose est claire. La source de l'extrémisme islamique qui encourage et légitime cette violence se trouve dans la souche de l'islam du wahhabisme fanatique centré en Arabie Saoudite. Et si le monde veut assez éliminer un tel extrémisme violent, il doit se confronter à cet hôte primaire et facilitateur. Paradoxalement, alors que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban, Ali Awaziri, a participé au rassemblement de solidarité Je suis Charlie à Beyrouth à la suite des attentats de Paris, de retour à la maison, le blogueur saoudien Rev Badawi a reçu les 50 premiers coups de fouet des 1000 qui lui sont dus chaque vendredi sur les 20 prochaines semaines. Son crime, la gestion d'un site libéral pour promouvoir la liberté d'expression. Heureusement, ces derniers jours, il semble que les autorités saoudiennes ont cédé à la pression internationale et suspendu la sentence. Par exemple, un câble Wikileaks cite clairement la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton, qui dit que les donateurs en Arabie Saoudite constituent la plus importante source de financement des groupes terroristes sunnites dans le monde entier et elle continue. Plus de choses doivent être faites étant donné que l'Arabie Saoudite reste une base de soutien financier essentielle pour Al-Qaïda, les talibans, et d'autres groupes terroristes et ce ne sont pas seulement les Saoudiens, le Qatar, le Koweït et les Émirats Arabes Unis sont également impliqués dans le mémo. D'autres câbles publiés par Wikileaks décrivent comment les sociétés écrans saoudiennes sont également utilisées pour financer le terrorisme à l'étranger. Lire l'intégralité de l'article http://www.huffingtonpost.com/dr-yousef-but-saudi-wahhabim-islam. À bientôt et grosse bise numérique.